الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، continue dans le livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam. Alors du cours dernier, on avait expliqué quatre les hadiths 198, 199, 200 et 201. Le hadith 198, le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui l'a appris? Fadal Hassan. بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه. وأخرجه البخاري الصوم فقط. أحسنت، بارك الله فيك. Le 199e hadith, qui est le hadith également d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Tadala. Ba'ada. أحسنت بارك الله فيك. الحديث 200، الحديث de عبد الله بن عمر. Qui l'a appris؟ تفضل. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر. أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. نعم، أحسنت. إلى حديث عائشة، حديث 201، كي لا بخي محمد؟ Pas encore appris. Qui l'a appris? Hadith 201 de Aïcha. Yahya. Comme ça, un temps. Mustapha. Fadal. Anna Rasoul Allah. Taharru. أحسن بارك الله فيك. ثم قال المؤلف رحمه الله: الحديث الثاني بعد المئتين، الحديث 202، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر أواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. رواه البخاري ومسلم. Le hadith 202, selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'i'tikaf dans la dizaine médiane du Ramadan. Fil ashri al-awsati min Ramadan. Non pas les 10 premiers jours, non pas les 10 derniers jours, mais les 10 jours du milieu. Fa'atakafa 'aman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'i'tikaf pendant les 10 jours médians de Ramadan une année, jusqu'à ce que lors de la 21e nuit, et c'est la nuit dans laquelle il sortait le matin de son i'tikaf. Et l'on verra que cette parole, min sabihatiha, il y a une parole à dire dessus. Car ici on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il fait l'i'tikaf, les 10 jours du milieu, la 21e nuit, ici dans le hadith, et c'est la nuit dans laquelle il quittait son i'tikaf le lendemain matin. On comprend que l'on quitte l'i'tikaf le lendemain matin de la dernière nuit. D'accord ? Le matin qui suit la dernière nuit. Et l'on verra par la suite, dans une parenthèse, on peut même l'avoir tout de suite, que ce qui est authentique dans les autres versions de ce hadith, les versions du hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, mais d'autres hadiths également, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait la nuit et non pas le matin qui suivait. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait la nuit et non pas le matin qu'il suivait. Et c'est la sunna dans les i'tikaf. Et on le verra dans le chapitre qui suit, le dernier chapitre d'ailleurs du livre du jeûne, qui est le chapitre de l'i'tikaf. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a fait l'i'tikaf avec moi, qu'il fasse l'i'tikaf dans les 10 derniers jours, car j'ai vu cette nuit, c'est-à-dire la nuit du destin, puis je l'ai oublié. Et je me suis vu en train de me prosterner dans de l'eau et de la boue le lendemain matin. C'est-à-dire le matin de cette nuit du destin. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. Recherchez-la, c'est-à-dire cette nuit du destin, dans les 10 derniers jours. Et recherchez-la dans chaque nuit impaire. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu a dit, فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ. Et il a plu cette nuit-là. Et la mosquée était construite de branches de palmiers. فَوَكَفَ الْمَسْجِدِ. C'est-à-dire que de l'eau coulait du toit de la mosquée. Et mes yeux ont vu, donc ici c'est Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu qui parle, et mes yeux ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait des traces de boue sur son front, et ceci était le matin qui a suivi la 21e nuit. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pour rappel, on est toujours dans le chapitre de Laylatul Qadr. On est dans le chapitre de Laylatul Qadr ici. Al-Hafid Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah a cité ce hadith pour montrer notamment que la nuit du destin avait eu lieu la 21e nuit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou donc en tout cas dans une des années. الغريب في العشر الأوسط قياسه الوسطى لأن العشر مؤنثة وتوجيه صحته أنه أراد اليوم. ثانيا فوقف المسجد أي قطر من سقفه ومنه وقف الدمع. ثالثا أريت هذه الليلة ثم أنسيتها معناه أخبرت في موضعها ثم نسيت كيف أخبرت لحكمة إلهية لا أنه رآها عيانا. في العشر الأوسط dans les 10 jours médian. Or العشر en arabe est féminin. Et ce qui est voulu, pourquoi le professeur Sam a cité ici, al-awsat au masculin, c'est pour montrer que ce qui était voulu, ce n'est pas les nuits, mais les jours. Ce qui était voulu, ce ne sont pas les nuits, mais les jours. Et l'i'tikaf se fait de jour comme de nuit. Fawakaf al-masjid, c'est-à-dire que de l'eau a coulé du toit. Pour cela qu'on dit wakafat dam, lorsque les larmes coulent. Il m'a été montré cette nuit, puis je l'ai oublié. C'est-à-dire qu'il a été informé au prophète sallallahu alayhi wa sallam du moment dans lequel aura lieu cette nuit du destin. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié ce qui lui avait été dit, et ceci de par une sagesse divine. Et dans une autre version de ce hadith, il a été cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a oublié le moment exact de Laylatul Qadr à cause de quoi ? À cause de la divergence des compagnons, radiallahu anhum, qui avaient débattu et étaient en désaccord sur quand exactement a lieu la nuit du destin. Et les voix se sont élevées. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'apprêtait à sortir pour leur informer du moment exact dans lequel a lieu Laylatul Qadr. Mais, à cause de ce différend qu'il y avait eu entre les compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a oublié. Et les savants l'ont déduit que, même quand les meilleurs des créatures font une chose mauvaise, eh bien, cela ne les exempte pas de ne pas subir les mauvaises conséquences de cette désobéissance. Ici, ce sont les compagnons radiallahu anhum qui ont élevé leur voix, a eu pour conséquence le fait qu'ils soient privés, eux, et les musulmans par la suite, de connaître l'exactitude du moment dans lequel a lieu la nuit du destin. Al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الوسطى من شهر رمضان ابتغاء ليلة القدر وتحريا لمصادفتها، لأنه ظن أنها في تلك العشر، فاعتكف عاما كعادته حتى كانت ليلة 21، وهي الليلة التي كان يخرج في صبيحتها من اعتكافه. علم أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فقال لأصحابه: من اعتكف معي في العشر الوسطى فليواصل اعتكافه وليعتكف العشر الأواخر، فقد رأيت في المنام هذه الليلة وأنستها، وقد رأيتني فيها في المنام أسجد في ماء وطين، وهي رؤيا حق ولم يأتي تأويلها، فلابد أنها أمامكم في العشر الأواخر، فالتمسوها فيها. فصدق الله رؤيا نبيه صلى الله عليه وسلم، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مبنيا كهيئة العريش، عموده من جذوع النخل وسقفه من جريدها، فوقف المسجد من أثر المطر، فسجد صلى الله عليه وسلم صبحة 21 في ماء وطين. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'i'tikaf pendant les 10 jours médians, les 10 jours du milieu du mois du Ramadan. Ceci en recherchant la nuit du destin et en faisant les causes qui permettent de pouvoir coïncider avec celle-ci. Car il pensait, sallallahu alayhi wa sallam, que la nuit du destin se trouvait dans cette dizaine médiane. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait l'i'tikaf une année, comme cela était son habitude, jusqu'à ce que vienne la 21e nuit. Et c'est la nuit à la suite de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam quittait l'i'tikaf au matin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait quitter. Et on a vu que le terme le matin, que dans d'autres versions, c'était le soir, et c'est ce qui est mis en pratique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su cette année que la nuit du destin avait lieu dans les 10 derniers jours. Il a alors dit à ses compagnons: celui qui a fait l'i'tikaf avec moi pendant les 10 jours médians, qu'il continue son i'tikaf et qu'il fasse la retraite spirituelle les 10 derniers jours. Car j'ai vu en rêve cette nuit du destin, mais je l'ai oublié. Et je me suis vu en rêve en train de me prosterner sur de l'eau et de la terre. Et c'est une vision véridique, car tous les rêves des prophètes sont véridiques. Il était donc il était donc indiscutable que la nuit du destin allait arriver, qu'elle n'avait pas lieu pendant les 10 jours médians, mais qu'elle allait avoir lieu dans les 10 derniers jours, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu en rêve, et cela ne peut être qu'une vérité. Faltamisuha fiha, recherchez-la donc dans ces 10 derniers jours. Et Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que le rêve de son prophète sallallahu alayhi wa sallam soit réalité. En effet, le ciel, il a plu cette nuit-là, la 21e nuit. Et la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était construite. En général, la matière première qui constituait la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le palmier. Ainsi, les piliers de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des troncs de palmier. Et le toit de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était fait de branches de palmier. Et vous savez tous que les branches de palmier, même lorsqu'elles sont liées les unes les autres, leur étanchéité n'est pas parfaite. Et lorsqu'il pleut, eh bien, indéniablement, de l'eau s'infiltre à l'intérieur. Et c'est ce qui s'est passé cette nuit-là. Lorsqu'il a plu cette nuit-là, l'eau s'est infiltrée dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et coulait du plafond. Le matin, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli la prière de Subh, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné sur de l'eau et de la terre. Ma yu'khadhu min al-hadith. أولا كون النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الوسطى طلبا لليلة القدر قبل علمه أن وقتها في العشر الأواخر. Le retien du hadith, premièrement, que le prophète صلى الله عليه وسلم avait l'habitude de faire l'i'tikaf pendant les 10 jours médians du Ramadan dans le but de rechercher la nuit du destin avant qu'il ne sache que la nuit du destin avait lieu dans les 10 derniers jours. ثانيا هذا الحديث من أدلة الذين يرونها في ليلة 21. Deuxièmement, ce hadith est une preuve pour ceux qui considèrent que la nuit du destin a lieu la 21e nuit de Ramadan. Ils ont pour preuve ce hadith. Et on a vu dans le cours précédent qu'il y a divergence des savants sur quelle est la nuit du destin. Comme l'a dit Al-Hafidh ibn Hajar, il a cité combien d'avis ? 47. 47 avis dans Al-Fath. Donc ça, c'est ce hadith est une preuve pour ceux qui considèrent que la nuit du destin a lieu la 21e nuit. Et la vie, Allahu a'lam, le plus prépondérant est que la nuit du destin change, qu'elle n'est pas fixe, qu'elle n'est pas stable, mais que d'une année à une autre, elle peut changer. Et elle change. Et c'est l'avis qui réunit l'ensemble des versions du hadith. Que ce soit les hadiths qui stipulent que c'était la 21e nuit ou les autres qui stipulent que c'était la 27 ou autre. Et ainsi, ceux qui considèrent que la nuit du destin n'est pas fixe, mais qu'elle bouge au fur et à mesure des années, disent que ce hadith est authentique et que effectivement, la nuit du destin avait eu lieu la 21e nuit. Mais cette année-là, et il y a un signe qui permet de connaître quand a lieu la nuit du destin. Et ici, ce signe dans ce hadith, c'était quoi? Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie sur de l'eau et de la terre. Et c'est effectivement ce qui a eu lieu. Mais c'est un signe qui était propre à cette année-là et à cette nuit-là. Mais pour les nuits à venir, pour les années et les siècles à venir jusqu'à la fin des temps, il y a un moyen de connaître si la nuit du destin a eu lieu ou pas. Et cela jusqu'à la fin des temps. Et ce signe est que lorsque, et c'est un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, le hadith de Ubay, que le soleil se lève sans rayonnement, sans lumière éclatante autour de lui. Le soleil se lève et l'on distingue de façon claire les contours du soleil. Car le soleil, lorsqu'il se lève, son contour n'est pas, lorsqu'on le voit, avec les émanations de lumière, l'on ne voit pas la délimitation du cercle solaire. Or, le matin de Laylatul Qadr, c'est-à-dire lorsque la nuit de Laylatul Qadr est passée, le matin, lorsque le soleil se lève, il se lève et il n'a pas de rayonnement qui cache ses contours. Ses contours sont vus de façon claire et nette. Et c'est une chose qui, effectivement, a déjà été constatée à plusieurs reprises. Et je l'ai moi-même constaté, notamment lorsque j'étais à Médine. Taïb. ثم قال المؤلف رحمه الله نعم جي با فيني ثالثا يدل هذا الحديث على أنها في العشر الأواخر وفي أوتارها آكد ce hadith prouve que la nuit du destin a lieu dans les 10 derniers jours et de façon plus avérée dans les nuits impaires رابعا أن الرؤيا حق لا سيما رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Quatrièmement, que les rêves pieux sont vérité, notamment les rêves pieux des envoyés et des prophètes عليهم الصلاة والسلام. خامسا, صفة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زمنه. وكونه عريشا قد سقف بالجريد الملبد بالطين وحيطانه بعسبان النخل وسواريه بجذوع النخل فعمارتهم المساجد بالطاعة فيها لا بالتشييد والزخرفة Cinquièmement, Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, dit, retient de ce hadith, la description de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque. Et que le toit de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était fait de branches de palmiers qui étaient recouvertes ou enduites de terre. Les murs de la mosquée étaient faits de usban al-nakhl. Et Al-Usban, c'est la palme sans feuilles. La palme sans feuilles. Lorsque l'on dit la palme, c'est la branche d'un palmier. Et la branche d'un palmier est constituée d'une branche et de feuilles. Le toit était constitué de branches et de feuilles, enduits de terre. Les murs étaient des palmes sans feuilles, c'est-à-dire la branche sans les feuilles. Et c'est et ça se fait toujours à notre époque, on fait des palmiers, des paniers, des récipients qui sont faits avec des branches de palmiers qui sont taillées, qui sont liées les unes aux autres à travers des fils ou autres. Donc les murs de la mosquée du prophète Hassan étaient des palmes sans feuilles et ses piliers étaient des troncs de palmiers. Ainsi, la mosquée au temps du prophète Hassan était remplie, comme le dit Cheikh Al-Bassam, était remplie par l'obéissance et l'adoration d'Allah dans son enceinte et non pas en élevant et en embellissant sa construction. Ainsi, on remplit une mosquée, non pas en l'embellissant et en élevant notamment ses plafonds ou autres, mais la mosquée se remplit bel et bien d'adoration et d'obéissance à Allah Azza wa Jal. ثم قال المؤلف أو قال نعم قال الشارح باب الاعتكاف le chapitre de l'i'tikaf que l'on traduit par la retraite pieuse قال الشيخ البسام: الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، ومنه قوله تعالى: يعكفون على أصنام لهم، أي يلازمونها ويقيمون عليها. وهو في الشرع المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة لطاعة الله. الاعتكاف، الشيخ البسام رحمه الله fait une introduction sur l'i'tikaf, sur le sens de l'i'tikaf linguistique, le sens juridique, sur le jugement de l'i'tikaf et sur la sagesse et les bienfaits de la retraite spirituelle. L'i'tikaf en langue arabe, c'est le fait de rester à côté d'une chose et de s'y restreindre. D'où la parole d'Allah Azza wa Jal, ya'kufuna ala asnamin lahum. Dans sourate Al-A'raf, le verset 138, ils restaient à proximité de leurs idoles. C'est-à-dire qu'ils restaient et qu'ils se rapprochaient de leurs idoles. Wa fi shar' et la définition juridique de l'i'tikaf, c'est le fait qu'une personne particulière reste dans la mosquée selon une façon particulière dans le but d'adorer Allah Azza wa Jal. Dans le but d'adorer Allah Azza wa Jal. C'est le fait de rester à la mosquée d'une façon bien précise dans le but d'adorer Allah Azza wa Jal. أما حكمه فقد أجمع العلماء على مشروعيته وأجمع أيضا على أنه مستحب ليس بواجب. Quant au jugement de l'i'tikaf, les savants sont unanimes sur le fait que la retraite spirituelle est légiférée. Et ils sont unanimes également sur le fait que la retraite spirituelle est recommandée et non obligatoire. أما حكمته وفائدته فقد قال ابن القيم في الهدي أي في زاد المعاد في هدي خير العباد لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله عز وجل متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله شرع الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصين مراضيه وما يقرب منه فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. Quant à la sagesse et aux bénéfices et aux bienfaits de la retraite spirituelle, Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dans son livre Zad al-Ma'ad fi hadi ghayr al-ibad, fi hadi khayr al-ibad. Parce que la réforme du cœur et le fait de suivre fermement et d'emprunter fermement la voie d'Allah Azza wa Jal, cela est conditionné au fait de se consacrer à Allah Azza wa Jal de façon complète. Pour réformer son cœur et pour être ferme dans le chemin de la vérité, la personne se doit mutawakifan ala jam'iyatihi ala Allah. Ici, l'imam Ibn al-Qayyim dit jam'iyatihi ala Allah. C'est-à-dire que la personne doit se consacrer à Allah Azza wa Jal, de consacrer son temps, doit diriger son corps, doit diriger son cœur autant qu'il le peut vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela qu'il a été légiféré la retraite spirituelle, al-i'tikaf, dont le but et l'essence de l'i'tikaf est le fait de diriger son cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala, de se consacrer à Allah azza wa jal, corps et âme, de rester et de s'isoler pour Allah subhanahu wa ta'ala, de se couper de toute forme d'occupation, parce que l'on est occupé par des créatures ou autres, de délaisser toutes ces occupations pour se consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pendant la retraite spirituelle, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de se tourner vers lui, azza wa jal, prend la place des soucis et des pensées. Le rappel d'Allah azza wa jal prend le dessus sur les occupations mondaines et viennent remplacer cela par ce qui est agréé auprès d'Allah azza wa jal et ce qui rapproche de lui azza wa jal. Car celui qui fait la retraite spirituelle, il s'isole, il se consacre du matin au soir à l'adoration d'Allah azza wa jal, en évoquant son nom, en lisant le Coran, en faisant des prières, en faisant des invocations, etc., etc. Ainsi, celui qui est en retraite spirituelle ressent son besoin d'Allah plus que le besoin qu'il a des créatures d'Allah. Et ceci lui permet de se préparer au jour du jugement. Et cela lui permet également de se préparer à la solitude qu'il connaîtra dans sa tombe. Et à ce moment-là, il souhaitera la présence, où il ressentira la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nul ne pourra le soulager dans cette solitude qu'il connaîtra le jour du jugement, lorsque chacun ne sera préoccupé que par son sort, la solitude qu'il connaîtra dans sa tombe, lorsqu'il ne saura pas quelle est sa destinée, et comment il pourra répondre aux questions que lui poseront les anges. De la même façon que dans ces moments, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui pourra l'aider, et bien lorsqu'il est dans sa retraite spirituelle, lorsqu'il se consacre entièrement à Allah Azza wa Jal, il ressent ce besoin qu'il a de son Seigneur subhanahu wa ta'ala plus que le besoin qu'il a de ses créatures. Et cela est l'un des buts les plus immenses qui est recherché à travers l'i'tikaf. Car on verra par la suite tous les jugements qui conditionnent l'i'tikaf et la personne se consacre réellement à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Elle se coupe du monde extérieur, elle se coupe de sa famille, de ses enfants, de son travail, de ses habitudes, etc., etc., pour Allah Azza wa Jal, pour l'adorer et l'évoquer Azza wa Jal. Puis, Cheikh al-Bassam dit « وَذُكِرَ عَقِيبَ الصِّيَامِ لِمُنَاسَبَتَيْنِ » الأولى إن جملة من إن جملة الكلام على الصيام سيتناول صيام شهر رمضان، وهو الذي يتأكد استحباب الاعتكاف فيه لما يرجى فيه من ليلة القدر. الثانية اتفاق العلماء على مشروعية الصيام مع الاعتكاف، لأن تمام قطع العلائق عن الدنيا يكون بالصيام. Puis الشيخ البسام رحمه الله dit que l'i'tikaf a été cité après le jeûne. Donc ici الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله a cité tous les hadiths relatifs au jeûne. Et il suit par la suite l'i'tikaf, la retraite pieuse. Ceci pour deux causes, deux raisons. Que le fait d'avoir traité tous les hadiths en rapport avec le jeûne traite notamment du jeûne du mois du Ramadan. On a traité des différentes formes de jeûne, dont le jeûne obligatoire du mois du Ramadan. Et c'est justement pendant ce mois du Ramadan qu'il est recommandé d'accomplir la retraite spirituelle, car l'un des buts de l'i'tikaf, c'est également de faire en sorte que cela coïncide avec la nuit du destin. Et la nuit du destin a lieu pendant les 10 derniers jours du Ramadan. La deuxième raison est que les savants sont d'accord sur le fait qu'il est légiféré de jeûner tout en faisant la retraite spirituelle. Car l'on fait une coupure réelle avec cette vie d'ici-bas qu'à travers le jeûne. Il faut comprendre. Naam. Puis il dit, rahimahullah, وقد اشترط الحنفية والمالكية لصحة الاعتكاف الصيام، ورد عليهم الصنعاني بأنه لا دليل لهم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا صائما، والفعل المجرد لا يكون دالا على الشرطية، وقد اعتكف في شوال ولم ينقل أنه صام أيام اعتكافه. Et al-Hanafiyya et al-Malikiyya mettent comme condition pour la validité de la retraite spirituelle le jeûne, que la personne soit en état de jeûne. Et l'imam al-San'ani a répondu en disant qu'il n'y a pas de preuve dans cela, si ce n'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait l'i'tikaf qu'en état de jeûne. Yani ceux qui considèrent que le jeûne est une condition pour la validité de l'i'tikaf ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait la retraite spirituelle qu'en état de jeûne. Et cela n'est pas une preuve, comme leur a répondu l'imam al-San'ani rahimahullah, car le fait de faire un acte ne prouve pas son caractère conditionnel. Le fait que le prophète sallam ait jeûné pendant sa retraite spirituelle sans que le prophète sallam n'ait donné une raison de son jeûne. Le prophète sallam n'a pas dit je jeûne car le jeûne est une condition de l'i'tikaf. Non, le prophète sallam a jeûné tout en faisant la retraite spirituelle. Le fait de faire un acte dont la raison n'a pas été expliquée n'est pas une preuve que c'est une condition. Et de plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'i'tikaf pendant le mois de Shawwal. Et il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le jeûne pendant ces jours-ci. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'i'tikaf pendant Shawwal? نعم سي نو Professeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'i'tikaf pendant Shawwal, car une année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'i'tikaf. Et ses femmes, trois de ses femmes, ont fait l'i'tikaf également dans la mosquée. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait l'i'tikaf, il montait des mini-tentes sous forme de toile ou de rideau, il y a un endroit isolé dans lequel il restait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ces trois tentes et a dit sallallahu alayhi wa sallam que si elles recherchent la piété, qu'elles les enlèvent. Si elles ont fait cela en recherchant la piété, qu'elles les enlèvent. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de l'i'tikaf et a fait l'i'tikaf dans le mois de Shawwal. Dans ce hadith authentique rapporté par l'imam muslim, les savants ont déduit plusieurs choses. La première, qu'il est autorisé aux femmes de faire l'i'tikaf à condition que cela ne soit pas, à condition qu'il n'y ait pas dans cela de tentation. Et ici, c'est ce qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était pour lui une tentation que ses femmes fassent l'i'tikaf dans la mosquée avec lui. D'accord ? Et cela est une preuve également que chacun connaît mieux ses besoins et ses envies. Pour certains, cela peut les déranger et pour d'autres, cela ne les dérange pas. À la kulli hal, dans ce hadith, il y a beaucoup de choses à retenir, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Juste pour vous dire pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'i'tikaf pendant le mois de Shawwal. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثالث بعد المئتين. الثالث بعد المئتين. Le hadith 203. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده رواه البخاري ومسلم وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه رواه البخاري. Selon Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la retraite spirituelle dans les 10 derniers jours de Ramadan, jusqu'à ce qu'Allah le fasse mourir. Puis, ses femmes ont fait l'i'tikaf après lui. Sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version notamment de Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'i'tikaf pendant chaque mois du Ramadan lorsqu'il priait al-ghadah, qui est la prière de al-ghadah, la prière de Subh. Il se dirigeait dans l'endroit où il faisait sa retraite spirituelle. Donc l'i'tikaf commence après la prière du Fajr. المعنى الإجمالي لسان جنرال جو حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر بعد أن علم أنها في تلك العشر واستمر يعتكفن كل سنة حتى توفاه الله عز وجل واستمر يعتكفهن كل سنة حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه رضي الله عنهن من بعده يطلبن ما طلب وإذا صلى الصبح دخل معتكفه وهو ما يحتجزه من المسجد للخلوة وقطع العلائق عن الخلائق. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la retraite spirituelle pendant les 10 derniers jours du Ramadan, en recherchant la nuit du destin. Après qu'il ait su, comme on l'a vu dans les hadiths précédents, que la nuit du destin avait lieu dans ces 10 dernières nuits. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a persisté et a continué à faire l'i'tikaf pendant ces 10 derniers jours chaque année jusqu'à ce qu'Allah azza wa jal l'ait fait mourir. Puis, ses épouses, radiyallahu anhun, ont fait l'i'tikaf après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, en recherchant ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, recherchait également, à savoir la nuit du destin. Et lorsqu'il priait la prière de Subh, il se dirigeait, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'endroit où il faisait sa retraite spirituelle, c'est-à-dire l'endroit de la mosquée qu'il réservait pour s'isoler et pour couper toute relation avec les créatures. Et on a vu que le professeur Asselem montait une tente, ou une forme de tente. Et cela, les savants le conditionnent à condition que cela ne gêne pas les gens de la mosquée. Et à condition que cela ne leur porte pas préjudice. Dans ce cas, la personne se doit de se réserver un endroit particulier dans la mosquée sans forcément monter une forme ou une sorte de tente. ما يؤخذ من الحديث أولا مشروعية الاعتكاف وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يحرص عليها. Ce que l'on retient du hadith, premièrement, que la retraite spirituelle est légiférée et qu'elle fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'est quelque chose que l'on doit rechercher et faire et que l'on doit s'efforcer de mettre en pratique. ثانيا فائدته وثمرته هي أن يقطع المعتكف علائقه عن الدنيا وما فيها ويخلو بربه ويتلذذ بمناجاته وجمعه نفسه وخواطره وأفكاره عليه وعلى عبادته. Deuxièmement, on retient de ce hadith les mérites et les fruits de la retraite spirituelle. Le fait que celui qui fait l'i'tikaf coupe toute relation avec cette vie d'ici-bas et ce qu'elle contient, et s'isole pour son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et savoure cet isolement. Il savoure également le fait qu'il se consacre entièrement, qu'il consacre son temps, qu'il consacre sa personne, qu'il consacre ses pensées à Allah et à l'adoration d'Allah azza wa jal. Thalithan, inna i'tikaf al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam استقر أخيرا على العشر الأواخر من رمضان لما يرجى فيه من ليلة القدر. On retient troisièmement de ce hadith que la retraite spirituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam a finalement eu lieu dans les 10 derniers jours du Ramadan, car c'est dans ces 10 derniers jours que l'on espère la nuit du destin. Cela fait allusion au fait qu'au début, le prophète sallam faisait pendant les 10 jours médian. Rabi'an, inna l'i'tikaf sunnatun mustamiratun lam tunsakh idh i'takafa azwajuhu sallallahu alayhi wa sallam ba'dah. Quatrièmement, on retient de ce hadith que l'i'tikaf est une sunna perpétuelle, c'est-à-dire qui existe et qui n'a pas été abrogée. C'est une sunna perpétuelle qui est valide jusqu'à la fin des temps. Et la preuve est que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait l'i'tikaf après sa mort sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Cinquièmement, خامسا إن وقت دخول المعتكف مكان اعتكافه يكون بعد صلاة الصبح. Cinquièmement, On retient de ce hadith que le moment dans lequel la personne qui veut faire la retraite spirituelle se rend dans le lieu de sa retraite spirituelle, que ce moment est après la prière de Subh. Sadisan, innahu la ba'sa min an yahtajiz al-mu'takif ma yakhlu bihi idha lam yudayyiq 'ala al-musallin lima akhraj ash-shaykhan 'an 'Aisha radhiyallahu 'anha أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف أمر بضرب خبائه فضرب. Sixièmement, qu'il n'y a pas de mal à ce que celui qui fait la retraite spirituelle réserve un endroit dans lequel il s'isole, à condition de ne pas gêner les prières. Car il est rapporté dans le Sahih de l'Imam al-Bukhari et Muslim, selon Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voulait faire l'i'tikaf, ordonnait qu'on lui monte une sorte de petite tente. Et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam était exécuté. سابعاً يؤخذ من معنى الاعتكاف ومن مقصده أن المعتكف يجتنب الجماع ودواعيه والخروج من معتكفه لغير حاجة ويجتنب أعمال الدنيا من المعاوضات والصنائع ونحوها وأن يقل من مخالطة الناس لغير اجتماع في ذكر أو قرآن لأن هذه الأشياء وأشباهها munafiyatun lil'i'tikaf. Septièmement, l'on retient que parmi les sens de l'i'tikaf, l'on retient de ce hadith que parmi les sens de l'i'tikaf et parmi les buts est que celui qui fait la retraite spirituelle doit s'abstenir de tout rapport intime et de tout ce qui amène à ce rapport intime. Il doit également s'abstenir de sortir de l'endroit de sa retraite spirituelle sans besoin. Il ne doit pas sortir sans besoin. Et il se doit de délaisser toute forme de travail. Il ne doit pas faire des choses, des missions par exemple, qui lui apportent de l'argent, ou de faire un travail pendant son lieu de retraite, ou pendant sa retraite spirituelle. Car par exemple, si son métier est de confectionner des vêtements, par exemple, ou de tricoter de la laine, par exemple, eh bien, il ne doit pas faire ce travail pendant qu'il est en retraite spirituelle, car la retraite spirituelle, parmi ses buts, c'est de couper toute relation avec cette vie d'ici-bas et ses créatures, et nul doute que de travailler et d'œuvrer et de rechercher sa pourvoyance et sa subsistance fait partie des choses mondaines. Également, celui qui fait la retraite spirituelle doit limiter autant que possible le contact avec les gens qui sont avec lui dans la mosquée, sauf si ils se réunissent pour évoquer Allah Azza wa Jal ou pour apprendre ou étudier le Coran, car toutes ces choses citées contredisent le sens de l'i'tikaf. Thaminan, إن شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد لئلا يفضي اعتكافه إلى ترك الجماعة أو إلى تكرار الخروج إليها كثيرا. Huitièmement, parmi les conditions de l'i'tikaf, de la retraite spirituelle, le fait que cette retraite ait lieu dans une mosquée dans laquelle les cinq prières sont accompli. La preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Baqarah, le verset 187. Wa antum aakifuna fil masajid. Alors que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Ceci afin que le fait qu'il soit en retraite spirituelle dans une mosquée, par exemple, où les cinq prières ne sont pas accomplies, cela l'amènerait à délaisser la prière en groupe. Ou cela l'amènerait à souvent sortir vers une autre mosquée dans laquelle ils sont accomplis les cinq prières. Et qu'en est-il de la mosquée dans laquelle les cinq prières sont accomplies, mais pas le Jumu'ah? Yajouz, cela est autorisé, car cela amènerait la personne qui fait la retraite spirituelle à sortir combien de fois? Une seule fois dans la semaine, et cela n'est pas excessif et ne contredit pas le but et l'essence de la retraite spirituelle. On actafi bi hadha al-qadr wa subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.